sensibilité plie au guet. Donc avec les filles du bat c'est classé. Elles n'ont Dieu que pour mon bro. Et rien ne passe avant mon bro. Condamné à être excité parce que je ne toucherai jamais. Donc je traîne dans les musées pour m'habituer à l'effet. Je suis toujours à deux pas de la folie. Quand je suis en recherche de chat compatible, faut laisser le temps faire. Et le temps m'entraîne vers la trentaine. Je porte un toast à cette défaite constante. Je retournerai voir ma madrilène. Mais se souviendra-t-elle? Quand même les muses nous oublient. J'aimerais me sentir comme après chaque jouissance, mais tout le temps je suis esclave de mes pulsions. Et autour de nous ça fait si vite des réputations. Chaque jour je perds ma concentration. Oh non. J'aimerais me sentir comme après chaque jouissance, mais tout le temps je suis esclave de mes pulsions. Et autour de nous ça fait si vite des réputations. Chaque jour je perds ma concentration. Je fume des pueblos à la fenêtre en me demandant si je vois les choses nettes. Ou est-ce que les désillusions passées me laissent dans le flou. Oh, un jour faudra que je me repente pour ces idées qui serpentent mon esprit tourmenté. Et je gagne même le mépris de certaines. Oh oui, offrez-moi toute votre haine. Se faire bien voir et ringard, je suis dans les pas de hier. Elles me disent, easy t'es bon pour le freezer. Tu nous casses à moins les couilles. Yeah, quand même nous les muses on t'oublie. J'aimerais me sentir comme après chaque jouissance, mais tout le temps je suis esclave de mes pulsions. Et autour de nous ça fait si vite des réputations. Chaque jour je perds ma concentration. J'aimerais me sentir comme après chaque jouissance, mais tout le temps je suis esclave de mes